Chapitre 2. Un jour de cet été, la vieille Rose, qui avait eu des faiblesses et dont les jambes n'allaient plus, fit venir sa petite nièce, Palmyre, pour laver la maison. Fouan était sorti rôder à son habitude autour des cultures. Et pendant que la misérable, sur les genoux, trempée d'eau, s'épuisait à frotter, l'autre la suivait pas à pas, toutes les deux remâchant les mêmes histoires. D'abord, il fut question du malheur de Palmyre, que son frère Hilarion battait maintenant. Oui, cet innocent, cet infirme était devenu mauvais. Et comme il ne connaissait pas sa force, avec ses poings capables de broyer des pierres, elle craignait toujours d'être tuée quand il l'empoignait. Mais elle ne voulait pas qu'on s'en mêlât. Elle renvoyait le monde, arrivant à l'apaiser dans l'infinie tendresse qu'elle gardait pour lui. L'autre semaine, il y avait eu un scandale dont Tourogne causait encore, une telle batterie que les voisins étaient accourus et l'avaient trouvé se livrant sur elle à des abominations. « Dis, ma fille, » demanda Rose pour provoquer ses confidences, « c'est donc qu'il voulait te forcer, le brutal ?» Palmyre, cessant de frotter, accroupie dans ses guenilles ruisselantes, se fâcha, sans répondre. « Est-ce que ça les regardait, les autres ? Est-ce qu'ils avaient besoin d'entrer, espionner chez nous ? Nous ne volons personne. » « Dame, » reprit la vieille, « pourtant, si vous couchez ensemble, comme on le raconte, c'est très mal. » Un instant, la malheureuse resta muette, la face souffrante, les yeux vagues au loin. Puis, cassée de nouveau en deux, elle bégaya, en coupant chaque phrase du va-et-vient de ses bras maigres. « Ah, très mal, est-ce qu'on sait ? Le curé m'a fait demander pour me dire que nous irions en enfer. Pas le pauvre chéri, toujours. Un innocent, monsieur le curé, ai-je répondu. Un garçon qui n'en sait pas plus long qu'un petit de 3 semaines, et qui serait mort si je ne l'avais pas nourri, et qui n'a guère eu de bonheur d'être ce qu'il est. À moi, n'est-ce pas, c'est mon affaire. Le jour où il m'étranglera dans un de ces coups de rage qui le prennent à 7 heures, je verrai bien si le bon Dieu veut me pardonner. » Rose, qui savait la vérité depuis longtemps, voyant qu'elle n'apprendrait aucun détail nouveau, conclut d'un air sage. « Quand les choses sont d'une manière, elles ne sont pas d'une autre. N'importe, ce n'est pas une vie que tu t'es faite, ma fille. » Et elle se lamenta sur ce que tout le monde avait son malheur. Ainsi, elle et son homme en enduraient-ils des misères depuis qu'ils avaient eu le bon cœur de se dépouiller pour leurs enfants ? Dès lors, elle ne s'arrêta plus. C'était son éternel sujet de plainte. Mon Dieu, les égards ont fini tout de même par s'en passer. Lorsque les enfants sont cochons, ils sont cochons. S'ils payaient la rente seulement. Elle expliqua pour la 20e fois que de l'homme seul a porté ses trimestres de 50 francs. Oh, à la minute. Buteau, lui, toujours en retard, tâchait de liarder. Ainsi, bien que la date fût échue depuis 10 jours, elle l'attendait encore. Il avait promis de venir s'acquitter le soir même. Quant à Jésus-Christ, c'était plus simple. Il ne donnait rien. On ne voyait jamais la couleur de son argent. Et juste ce matin-là, est-ce qu'il n'avait pas eu le toupet d'envoyer la trouille qui s'était mise à pleurnicher et à demander un emprunt de 100 sous pour faire du bouillon à son père malade ? Ah, on la connaissait, sa maladie, un fameux trou sous le nez. Aussi l'avait-on bien reçue, cette gueuse, en la chargeant de dire à son père que si le soir il n'apportait pas ses 50 francs, comme son frère Buteau, on lui enverrait l'huissier. Histoire de l'effrayer, car le pauvre garçon, tout de même, n'est pas méchant, ajouta Rose, qui s'attendrissait déjà dans sa préférence pour son aîné. À la nuit tombante, Fouan étant rentré dîner, elle recommença à table pendant qu'il mangeait, la tête basse, muet. Était-ce Dieu possible, cela, que de leurs 600 francs, ils eussent seulement les 200 francs de Delhomme, à peine 100 francs de Buteau, rien du tout de Jésus-Christ, ce qui faisait juste la moitié de la rente. Et les bougres avaient signé chez le notaire, c'était écrit, déposé à la justice, ils s'en fichaient bien de la justice. Palmyre, qui, dans l'obscurité, achevait d'essuyer le carreau de la cuisine, répondait la même phrase à chaque plainte, comme un refrain de misère. « Ah, sûr, chacun a son mal, on en crève !» Rose se décidait enfin à allumer, lorsque la grande entra, avec son tricot. Dans ces longs jours, il n'y avait point de veillée. Mais pour ne pas même user un bout de chandelle, elle venait passer chez son frère l'heure de nuit, avant d'aller se coucher à tâtons. Tout de suite, elle s'installa, et Palmyre, qui avait encore à récurer des pots et des casseroles, ne souffla plus, saisie de voir sa grand-mère. « Si tu as besoin d'eau chaude, ma fille, reprit Rose, entame un fagot. » Elle se contint un instant, s'efforça de parler d'autre chose, car, devant la grande, les fouans évitaient de se plaindre, sachant qu'il lui faisait plaisir quand il regrettait tout haut de s'être dépouillé. Mais la passion l'emporta. « Eva, tu peux mettre le fagot entier, si on appelle ça un fagot, des brindilles de bois mort, des rognures de haie. Faut vraiment que Fanny ratisse son bûcher pour nous envoyer de la pourriture pareille. » Fouan, resté à la table, devant un verre plein, sortit alors du silence où il semblait vouloir s'enfermer. Il s'emporta. « As-tu fini, nom de Dieu, avec ton fagot? C'est de la saleté, nous le savons. Qu'est-ce que je dirais donc, moi, de cette cochonnerie de piquette que de l'homme me donne pour du vin ?» Il éleva le verre, le regarda à la chandelle. « Hein? Qu'a-t-il bien pu foutre là-dedans? C'était pas même de la rinçure de tonneau. Et il est honnête, celui-là. Les deux autres nous laisseraient crever de soif sans aller nous chercher une bouteille d'eau à la rivière. » Enfin, il se décida à boire son vin d'un coup, mais il cracha violemment. « Ah, la poison! C'est peut-être bien pour me faire claquer tout de suite !» Dès ce moment, Fouan et Rose s'abandonnèrent à leur rancune, sans plus rien ménager. Leurs cœurs ulcérés se soulageaient. Ils alternaient les litanies de leurs récriminations. Chacun à son tour disait son grief. Ainsi, les 10 litres de lait par semaine. D'abord, ils n'en recevaient pas 6. Et puis, s'il ne passait point entre les mains de monsieur le curé, ce lait-là, n'empêche qu'il devait être bon chrétien. C'était comme pour les œufs. Certainement qu'on les commandait exprès aux poules, car on n'en aurait pas trouvé d'aussi petits sur tout le marché de Cloyes. Oui, une vraie curiosité, et donner de si mauvais cœurs qu'ils avaient le temps de se gâter en route. Quant au fromage, ah, les fromages, Rose se tordait de colique chaque fois qu'elle en mangeait. Elle courut en chercher un, elle voulut absolument que Palmyre y goûtât. Hein? Était-ce une horreur? Ça ne criait-il pas vengeance? Il devait y ajouter de la farine, peut-être bien du plâtre. Mais déjà, Fouan se lamentait d'en être réduit à ne plus pouvoir fumer qu'un sou de tabac par jour. Et aussitôt, elle regretta son café noir qu'il lui avait fallu supprimer. Et tous les deux à la fois, ensuite, les accusèrent de la mort de leur vieux chien infirme, qu'ils s'étaient décidés à noyer la veille, parce qu'il coûtait trop pour eux maintenant. « Je leur ai tout donné !» cria le vieux, « et les bougres se foutent de moi. Ah, ça nous tuera, tant nous rageons à nous voir dans cette misère !» Ils s'arrêtèrent enfin, et la grande, qui n'avait pas desserré les lèvres, les regarda l'un après l'autre, de ses yeux ronds d'oiseaux mauvais. « C'est bien fait !» dit-elle. Mais juste à ce moment, Buteau entra. Palmyre, ayant terminé son travail, en profita pour s'échapper, avec les 15 sous que Rose venait de lui mettre dans la main. Et Buteau, debout au milieu de la pièce, se tint immobile, dans ce silence prudent du paysan qui ne veut jamais parler le premier. 2 minutes s'écoulèrent. Le père fut forcé d'entamer les choses. « Alors, tu te décides, c'est heureux. Depuis 10 jours, tu te fais bien attendre. » L'autre se dandinait. « Quand on peut. Chacun sait comment son pain cuit. » « Possible, mais à ce compte-là, si ça durait, pendant que tu en mangerais du pain, nous crèverions, nous autres. Tu as signé, tu dois payer au jour et à l'heure. » Et voyant son père se fâcher, Buteau plaisanta. « Dites donc, si j'arrive trop tard, je m'en retourne. Ce n'est donc pas déjà très gentil de payer? Il y en a qui s'en passent. » Cette allusion à Jésus-Christ inquiéta Rose, qui se permit de tirer la veste de son homme. Il retint un geste de colère. Il reprit. « C'est bon, donne tes 50 francs, j'ai préparé le reçu. » Sans se presser, Buteau se fouilla. Il avait eu, sur la grande, un coup d'œil contrarié, l'air gêné par sa présence. Elle en abandonnait son tricot. Elle regardait de ses prunelles fixes dans l'attente de voir l'argent. Le père et la mère, eux aussi, s'étaient rapprochés, ne quittant plus la main du garçon. Et sous ses trois paires d'yeux, largement ouverts, il se résigna à sortir une première pièce de 100 sous. « Une !» dit-il en la posant sur la table. Les autres suivirent avec une lenteur croissante. Il continuait à les compter tout haut, d'une voix qui faiblissait. Après la cinquième, il s'arrêta, dut faire de profondes recherches pour en trouver une encore, puis cria d'une voix raffermie, très forte, « Et 6 !» Les fouans attendaient toujours, mais rien ne vint plus. « Comment 6 ?» finit par dire le père. « C'est 10 qu'il en faut. Est-ce que tu te fiches de nous ? Le trimestre dernier, 40 francs, et celui-ci, 30 ?» Tout de suite, Buteau prit une voix géniarde. Ah, oh, rien n'allait. Le blé avait encore baissé, les avoines étaient chétives, jusqu'à son cheval, dont le ventre enflait, si bien qu'il avait dû faire venir 2 fois le vétérinaire. Enfin, c'était la ruine. Il ne savait comment joindre les 2 bouts. « Ça ne me regarde pas !» répétait furieusement le vieux. « Donne les 50 francs, ou je t'envoie en justice !» Cependant, il s'apaisa, à l'idée de n'accepter les 6 pièces qu'en à-compte, et il parla de refaire son reçu. « Alors, tu me donneras les 20 francs la semaine prochaine. Je vais mettre ça sur le papier. » Mais déjà, d'une main prompte, Buteau avait repris l'argent sur la table. « Non, non, pas de ça. Je veux être quitte. Laissez le reçu ou je file. Ah bien, vrai, ça ne vaudrait pas la peine de me dépouiller si je vous devais encore. » Et ce fut terrible. Le père et le fils s'obstinèrent, répétant sans se lasser les mêmes mots. L'un exaspéré de n'avoir pas empoché l'argent tout de suite, l'autre le serrant dans son poing, résolu à ne plus le lâcher que donnant donnant. Une seconde fois, la mère dut tirer son homme par la veste, et il céda de nouveau. « Tiens, sacré voleur, le voilà le papier. Je devrais te le coller d'une gifle sur la gueule. Donne l'argent. » L'échange eut lieu, de point à point. Et Buteau, la scène jouée, se mit à rire. Il s'en alla, gentil, satisfait, en souhaitant bien le bonsoir à la compagnie. Fouan s'était assis devant la table, l'air épuisé. Alors la grande, avant de reprendre son tricot, haussa les épaules, lui jeta violemment ces 2 mots. « Foutue bête !» Il y eut un silence, et la porte fut ouverte. Jésus-Christ entra. Averti par la trouille que son frère payait le soir, il le guettait sur la route. Il avait attendu sa sortie pour se présenter à son tour. Le visage doux, il était simplement attendri d'un reste d'ivresse de la veille. Dès le seuil, ses yeux allèrent droit aux 6 pièces de 100 sous, que Fouan avait eu l'imprudence de remettre sur la table. « Ah, c'est Hyacinthe !» cria Rose, heureuse de le voir. « Oui, c'est moi. Bonne santé à tous !» Et il s'avança, sans quitter de l'œil les pièces blanches, luisantes comme des lunes à la chandelle. Le père, qui avait tourné la tête, suivit son regard, aperçut l'argent dans un sursaut d'inquiétude. Vivement, il posa dessus une assiette pour le cacher. Trop tard. « Foutu bête !» pensa-t-il, irrité de sa négligence. « La grande a raison !» Puis, tout haut, brutal, « Tu fais bien de venir nous payer, car aussi vrai que cette chandelle nous éclaire, je t'envoyais l'huissier demain. »« Oui, la trouille m'a dit ça, » gémit Jésus-Christ, très humble, « et je me suis dérangé, parce que, n'est-ce pas, vous ne pouvez vouloir ma mort. Payer, bon Dieu, avec quoi payer quand on n'a pas du pain à sa suffisance ?» Nous avons tout vendu. Oh, je ne blague pas. Venez voir vous-même si vous croyez que je blague. Plus de draps au lit, plus de meubles, plus rien. Et avec ça, je suis malade. » Un ricanement d'incrédulité l'interrompit. Il continua sans entendre. Peut-être que ça ne paraît guère, mais n'empêche que j'ai quelque chose de mauvais dans le sac. Je tousse, je sens que je m'en vas. Encore quand on a du bouillon. Mais quand on n'a pas du bouillon, on claque, hein, c'est la vérité. Bien sûr que je vous paierais si j'avais de l'argent. Dites-moi où il y en a que je vous en donne et que je commence par me mettre un pot-au-feu. V'là 15 jours que je n'ai point vu de viande. » Rose commençait à s'émouvoir, tandis que Fouan se fâchait davantage. « T'as tout bu, feignant, propre à rien, tant pis pour toi. De si belles terres qui étaient dans la famille depuis des ans et des ans, tu les as mises en gage. Oui, il y a des mois que toi et ta garce de fille vous faites la noce. Et si c'est fini, à cette heure, crevez donc. » Jésus-Christ n'hésita plus. Il sanglota. « Ce n'est pas d'un père ce que vous dites. Faut être dénaturé pour renier son enfant. Moi, j'ai bon cœur, c'est ce qui causera ma perte. Si vous n'aviez pas d'argent, mais puisque vous en avez, est-ce que ça se refuse, une aumône à un fils? J'irai mendier chez les autres, ce sera du propre, ah oui, du propre. » Et à chaque phrase, lâché au milieu de ses larmes, il jetait sur l'assiette un regard oblique, qui faisait trembler le vieux. Puis, feignant d'étouffer, il ne poussa plus que des cris assourdissants d'hommes qu'on égorge. Rose, bouleversée, gagnée par les sanglots, joignit les mains pour supplier Fouan. « Voyons, mon homme !» Mais ce dernier, se débattant, refusant encore, l'interrompit. « Non, non, il se fout de nous. Veux-tu te taire, animal? Est-ce qu'il y a du bon sens à gueuler ainsi? Les voisins vont venir. Tu nous rends tous malades. » Cela ne fit que redoubler les clameurs de l'ivrogne, qui beugla. « Je ne vous ai pas dit. L'huissier vient demain saisir chez moi. Oui, pour un billet que j'ai signé à Lambourdieu. Je ne suis qu'un cochon, je vous déshonore. Faut que j'en finisse. Ah, cochon, tout ce que je mérite, c'est de boire un coup dans l'aigre, jusqu'à plus soif. Si seulement j'avais 30 francs. » Fouan, excédé, vaincu par cette scène, tressaillit à ce chiffre de 30 francs. Il écarta l'assiette. À quoi bon, puisque le bougre les voyait et les comptait à travers la faïence. « Tu veux tout? Est-ce raisonnable, nom de Dieu? Tiens, tu nous assommes, prends-en la moitié et file, qu'on ne te revoie pas. » Jésus-Christ, guéri soudain, parut se consulter, puis déclara. « 15 francs, non, c'est trop court, ça ne peut pas faire l'affaire. Mettons-en 20, et je vous lâche. » Ensuite, lorsqu'il tint les 4 pièces de 100 sous, il les égaya tous en leur racontant le tour qu'il avait joué à Bécu. De fausses lignes de fond, placé dans la partie réservée de l'aigre, de telle manière que le garde champêtre était tombé à l'eau en voulant les retirer. Et il s'en alla enfin, après s'être fait offrir un verre du mauvais vin de Delhomme, qu'il traita de sale canaille pour oser donner à un père cette drogue-là. « Tout de même, il est gentil, » dit Rose lorsqu'ils eurent fermé la porte. La grande s'était mise debout, pliant son tricot, prêt de partir. Elle regarda sa belle-sœur, puis son frère, fixement. Et elle sortit à son tour, après leur avoir crié dans une colère longtemps contenue. « Pas un sou, foutue bête! Ne me demandez pas un sou, jamais! Jamais !» Dehors, elle rencontra Buteau, qui revenait de chez Macron, étonné d'y avoir vu entrer Jésus-Christ, très gai, la poche sonnante d'écus. Il avait soupçonné vaguement l'histoire. « Eh oui, cette grande canaille emporte ton argent. Ah, ce qu'il va se gargariser avec en se fichant de toi ?» Buteau, hors de lui, tapa des 2 poings dans la porte des Fouan. Si on ne la lui avait pas ouverte, il l'aurait enfoncée. Les 2 vieux se couchaient déjà. La mère avait retiré son bonnet et sa robe, en jupon, ses cheveux gris tombés sur les tempes. Et quand ils se furent décidés à rouvrir, il se jeta entre eux, criant d'une voix étranglée. « Mon argent! Mon argent !» Ils eurent peur, ils s'écartèrent, étourdis, ne comprenant pas encore. « Est-ce que vous croyez que je m'extermine pour ma rosse de frère? Il ne foutrait rien et c'est moi qui le gobergerai? Ah non! Ah non !» Fouan voulut nier, mais l'autre lui coupa brutalement la parole. « Hein? Quoi? Voilà que vous mentez à cette heure? Je vous dis qu'il a mon argent. Je l'ai senti, je l'ai entendu sonner dans sa poche à ce gueux. Mon argent que j'ai sué, mon argent qu'il va boire. Si ce n'est pas vrai, montrez-le-moi donc. Oui, si vous les avez encore, montrez-moi les pièces. Je les connais, je saurai bien. Montrez-moi les pièces. » Et il s'entêta. Il répéta 20 reprises cette phrase dont il fouettait sa colère. Il en arriva à donner des coups de poing sur la table, exigeant les pièces, là, tout de suite, jurant qu'il ne les reprendrait pas, voulant simplement les voir. Puis, comme les vieux, tremblants, balbutiaient, il éclata de fureur. « Il les a, c'est clair! Du tonnerre de Dieu, si je vous rapporte un sou! Pour vous autres, on pouvait saigner, mais pour entretenir cette crapule-là, ah, j'aimerais mieux me couper le bras !» Pourtant, le père, lui aussi, finissait par se fâcher. « En voilà assez, n'est-ce pas? Est-ce que ça te regarde, nos affaires? Il est à moi, ton argent. J'en peux bien faire ce qu'il me plaît. » « Qu'est-ce que vous dites ? » reprit Buteau en s'avançant sur lui, blême, les poings serrés. « Vous voulez donc que je lâche tout ? Eh bien, je trouve que c'est trop salaud, oui, salaud de tirer des sous à vos enfants lorsque vous avez pour sûr de quoi vivre. Oh, vous aurez beau dire non, le magot est par là, je le sais. » Saisi, le vieux se démenait, la voix cassée, les bras faibles, ne retrouvant plus son autorité d'autrefois pour le chasser. « Non, non, il n'y a pas un liard, vas-tu foutre le camp ?» si je cherchais, répétait Buteau qui déjà ouvrait les tiroirs et tapait dans les murs. Alors Rose, terrifiée, craignant une bataille entre le père et le fils, se pendit à une épaule de ce dernier en bégayant. Malheureux, tu veux donc nous tuer ? Brusquement, il se retourna vers elle, la saisit par les poignets, lui cria dans la face, sans voir sa pauvre tête grise, usée et lasse. « Vous, c'est votre faute. C'est vous qui avez donné l'argent à Hyacinthe. Vous ne m'avez jamais aimée. Vous êtes une vieille coquine. » Et il la poussa d'une secousse si rude qu'elle s'en alla, défaillante, tombée assise contre le mur. Elle avait jeté une plainte sourde. Il la regarda un instant, pliée là comme une loque. Puis il partit d'un air fou. Il fit claquer la porte en jurant « Nom de Dieu ! Nom de Dieu !» Le lendemain, Rose ne put quitter le lit. On appela le docteur Finet, qui revint trois fois sans la soulager. À la troisième visite, l'ayant trouvée à l'agonie, il prit Fouan à part. Il demanda comme un service d'écrire tout de suite et de laisser le permis d'inhumer. Cela lui éviterait une course. Il usait de cet expédient pour les hameaux lointains. Cependant, elle dura 36 heures encore. Lui, aux questions, avait répondu que c'était la vieillesse et le travail, qu'il fallait bien s'en aller quand le corps était fini. Mais dans Rogne, où l'on savait l'histoire, tous disaient que c'était un sang tourné. Il y eut beaucoup de monde à l'enterrement. Buteau et le reste de la famille s'y conduisirent très bien. Et lorsqu'on eut rebouché le trou au cimetière, le vieux Fouan rentra seul dans la maison, où ils avaient vécu et souffert à deux pendant 50 ans. Il mangea, debout, un morceau de pain et de fromage. Puis, il rôda au travers des bâtiments et du jardin vide, ne sachant à quoi tuer son chagrin. Il n'avait plus rien à faire. Il sortit pour monter sur le plateau, à ses anciennes pièces, voir si le blé poussait.